Chapitre 14. Je retourne en Irlande et étale ma splendeur et ma générosité dans ce royaume. Combien les temps étaient changés pour moi. J'avais quitté mon pays, pauvre enfant, sans le sou, simple soldat dans un misérable régiment en marche. Je revenais homme accompli, ayant à moi 5 000 guinées, une magnifique garde-robe et un écrin qui en valait 1 000 autres, ayant joué un rôle dans toutes les scènes de la vie, et un rôle qui ne laissait que d'être assez distingué, ayant fait la guerre et l'amour, étant par mon propre génie et par mon énergie parvenu de la pauvreté et de l'obscurité à l'aisance et à la splendeur. Quand je mettais la tête à la portière de ma voiture, roulant sur ces routes si nues et si tristes, le long des misérables cabanes des paysans qui sortaient en haillons pour admirer le brillant équipage et poussaient des vivats en l'honneur de sa seigneurie, à la vue du magnifique étranger dans le superbe carrosse doré et de mon énorme domestique Fritz s'étalant derrière avec sa moustache frisée, sa longue queue et sa livrée verte à brandebourgs d'argent, je ne pouvais m'empêcher de me considérer avec beaucoup de complaisance et de remercier mon étoile de m'avoir doué de tant de bonnes qualités. Sans mon mérite, j'aurais été un petit obreau sans culture, tel que j'en voyais faire les crânes dans les misérables villes par lesquelles ma voiture passait pour aller à Dublin. J'aurais épousé Nora Brady, et quoique, Dieu merci, je ne l'ai pas fait, je n'ai jamais pensé à cette fille qu'avec bienveillance. Et en ce moment, je me rappelle plus clairement l'amertume de sa perte que tout autre incident de ma vie. Je serais, à l'heure qu'il est, père de 10 enfants, ou fermier à mon compte, ou agent d'un propriétaire, ou employé de l'assise, ou procureur. Et voilà que j'étais un des plus fameux gentilshommes d'Europe. J'ordonnai à mon valet de se procurer un sac de gros sous et de les jeter à la foule pendant que nous changions de chevaux, et je vous garantis qu'il y eut autant d'acclamations en mon honneur que si Milord Townsend, le Lord Lieutenant lui-même, avait passé. Ma seconde journée de voyage, car les routes irlandaises étaient rudes à cette époque et un carrosse de gentilhomme n'y avançait qu'avec une lenteur terrible, m'amena à Carlow. Et je descendis à cette même auberge où je m'étais arrêtée 11 ans auparavant, quand je m'enfuyais de chez nous après la prétendue mort de Queen en duel. Comme chaque moment de cette scène est gravé dans ma mémoire. L'ancienne aubergiste qui m'avait servi n'était plus. La maison, que je trouvais alors si confortable, était misérable et délabrée. Mais le claret était aussi bon qu'autrefois, et je fis venir l'hôte pour en prendre un pot avec moi et me conter les nouvelles du pays. Il était aussi communicatif que ses confrères le sont ordinairement. Les récoltes et les marchés, le prix des bestiaux à la dernière foire de Casteldermot, la dernière histoire sur le vicaire protestant et la dernière plaisanterie du Hogan, le prêtre catholique, comme quoi les White Boys avaient brûlé les meubles du Squire Scanlan et les voleurs de grand chemin avaient été déjoués dans leur attaque contre la maison de Sir Thomas, qui devait chasser avec la meute de Kilkenny à la saison prochaine, et la merveilleuse partie qu'ils avaient faite en mars dernier. Quelle troupe était dans la ville, et comme quoi Miss Brady Toole s'était enfuie avec l'enseigne Mullins. Toutes les nouvelles du sport, des assises, des sessions trimestrielles étaient détaillées par ce digne chroniqueur de petite bière, qui s'étonnait que mon honneur ne les eût pas entendu dire en Angleterre ou à l'étranger, où il semblait croire que le monde était aussi intéressé que lui aux faits et gestes de Kilkenny et de Carlow. J'écoutais ces récits avec infiniment de plaisir, je l'avoue, car de temps en temps, il prononçait un nom que je me rappelais de l'ancien temps et réveillait en moi une foule d'associations d'idées. J'avais reçu beaucoup de lettres de ma mère qui m'informaient de ce qui se passait dans la famille de Bradystown. Mon oncle était mort et Mike, son fils aîné, l'avait également suivi au tombeau. Les filles avaient quitté le toit paternel aussitôt que leur frère aîné était venu y commander. Les unes étaient mariées, les autres étaient allées s'établir avec leur odieuse vieille mère dans quelque ville d'eau perdue. Ulick, en héritant de la propriété, n'avait hérité que de dettes et Castle Brady n'était plus habité que par des chauves-souris et des hiboux et par le vieux garde-chasse. Ma mère, Mistress Harry Barry, était allée vivre à Bray pour être de la congrégation de M. Jules, son prédicateur favori, qui avait une chapelle. Et enfin, l'aubergiste me dit que le fils de Mistress Brady aurait passé à l'étranger, s'était engagé au service de la Prusse et y avait été fusillé comme déserteur. Peu m'importe d'avouer que je louais de l'aubergiste un fort bidet après dîner et qu'au tombé de la nuit, je fis 20 miles en arrière pour revoir mon ancienne demeure. Le cœur me battit en la voyant. Barryville avait un mortier et un pilon au-dessus de la porte et était appelé « dépôt d'esculape » par le docteur McShan. Un garçon à cheveux roux préparait un emplâtre dans l'ancien parloir. La petite fenêtre de ma chambre, jadis si proprette et si brillante, avait plusieurs vitres cassées et remplacées par des chiffons. Les fleurs avaient disparu des plates-bandes si bien tenues par ma soigneuse bonne-mère. Dans le cimetière, il y avait des noms ajoutés à la pierre placée au-dessus du caveau de la famille des Brady. C'étaient ceux de mon cousin, dont je ne me souciais guère, et de mon oncle, que j'avais toujours aimé. Je demandai à mon ancien camarade, le forgeron, qui m'avait si souvent battu autant jadis, de donner à mon cheval un picotin et une litière. C'était maintenant un homme à l'air usé et fatigué, avec une douzaine de sales enfants déguenillés tripotant dans la boue autour de sa forge. Et il n'eut aucune mémoire du beau gentilhomme qui se tenait devant lui. Je ne cherchais à me rappeler à son souvenir que le lendemain, où je lui mis 10 guinées dans la main et lui dis de boire à la santé de l'anglais Redmond. Quant à Castle Brady, les portes du parc y étaient toujours, mais les vieux arbres avaient été coupés dans l'avenue, une souche noire se dressant çà et là, et prolongeant son ombre, comme je passais au clair de la lune sur la vieille route défoncée et envahie par les herbes. Quelques vaches y paissaient, la porte du jardin avait disparu et l'endroit tournait à la forêt vierge. Je m'assis sur l'ancien banc où je m'étais assis le jour que Nora se joua de moi, et je crois vraiment que mon émotion fut aussi forte qu'elle l'avait été 11 ans auparavant. Et je me surpris tout près de pleurer à l'idée que Nora Brady m'avait abandonnée. Je crois qu'on n'oublie rien. J'ai vu une fleur ou un mot sans importance éveiller des souvenirs qui, je ne sais comment, dormaient depuis des vingtaines d'années. Et quand j'entrais dans la maison de Clarge Street, où je suis née, elle était devenue une maison de jeu la première fois que je visitais Londres. Tout d'un coup, la mémoire de mon enfance me revint, oui, de ma première enfance. Je me rappelais mon père en habit vert et or, me soulevant pour me faire voir un carrosse doré qui stationnait devant la porte, et ma mère en robe à fleurs, avec des mouches sur sa figure. Est-ce qu'un jour, tout ce que nous avons vu et pensé et fait nous passera comme un éclair dans l'esprit de cette manière? J'aimerais mieux que non. J'éprouvais cela en m'asseyant sur le banc de Castle Brady et en songeant au temps passé. La porte du vestibule était ouverte. Il en était toujours ainsi dans cette maison. La lune entrait par les longues vieilles fenêtres et dessinait de pâles damiers sur les planchers. Et les étoiles vous regardaient de l'autre côté, dans le bleu de la fenêtre béante, au-dessus du grand escalier. De là, vous pouviez voir la grande horloge de l'écurie, avec ses chiffres encore brillants. Il y avait eu autrefois de jolis chevaux dans cette écurie, et je me représentais encore l'honnête face de mon oncle, et je l'entendais parler à ses chiens qui venaient sauter et geindre et aboyer autour de lui par une gaie matinée d'hiver. C'est là que nous montions à cheval, et les jeunes filles nous regardaient de la fenêtre du vestibule où je me tenais et regardaient moi-même ce lieu devenu triste, verdâtre, solitaire. Il y avait une lueur rouge qui brillait à travers les fentes d'une porte à un des coins du bâtiment, et bientôt vint un chien qui aboya fortement, et un homme, qui boitait, le suivit avec un fusil. « Qui va là ?» dit le vieil homme. « Phil Purcell !»« Ne me reconnaissez-vous pas » criai-je. « C'est Redmond Barry !» Je crus d'abord que le vieillard allait me tirer dessus, car il dirigea son arme sur la fenêtre, mais je lui criai d'arrêter, et descendis et l'embrassai. « Baste !» Je ne me soucie pas de dire le reste. Phil et moi veillâmes tard, et parlâmes de 1000 puérilités d'autrefois, qui n'ont d'intérêt pour personne au monde à présent, car qui est-ce qui s'inquiète de Barry Lyndon? Je plaçai 100 guinées sur la tête du vieillard quand j'allai à Dublin, et je lui fis une rente viagère qui lui permit de passer à l'aise ses vieux jours. Le pauvre Phil Purcell s'amusait à jouer aux cartes, des cartes excessivement sales, avec une ancienne connaissance à moi qui n'était autre que Tim, celui qu'on appelait mon valet au temps jadis, et que le lecteur peut se rappeler vêtu de la vieille livrée de mon père. Elle flottait sur lui en ce temps-là et lui tombait sur les poignets et sur les talons. Mais Tim, tout en protestant qu'il avait failli mourir de chagrin quand j'étais partie, avait trouvé moyen de devenir énormément gras en mon absence et aurait presque rempli l'habit de Daniel Lambert ou celui du vicaire de Castlebrady s'il servait en qualité de clerc. Je l'aurais pris à mon service sans sa monstrueuse taille qui le rendait tout à fait impropre à être auprès d'un homme de condition. Je lui fis donc un beau cadeau et promis d'être parrain de son prochain enfant, le 11e depuis mon absence. Il n'est pas de pays au monde où l'œuvre de multiplication prospère autant que dans mon île natale. Monsieur Tim avait épousé la femme de chambre des filles de la maison, qui avait été très bonne pour moi autant jadis, et je dus aller le lendemain embrasser la pauvre Molly, et je trouvai une souillon dans une hutte de boue entourée d'une nichée d'enfants presque aussi déguenillés que ceux de mon ami le forgeron. De Tim et de Phil Purcell, que le hasard me faisait ainsi rencontrer ensemble, j'eus les nouvelles les plus fraîches de ma famille. Ma mère se portait bien. « Ma foi, monsieur, dit Tim, vous êtes venu à temps peut-être bien pour empêcher une addition à votre famille. »« Monsieur, me récriai-je, pris d'indignation. « Sous forme de beau-père, 100 ans, dit Tim. » La maîtresse est sur le point de se conjoindre avec monsieur Jules, le prédicateur. La pauvre Nora, ajouta-t-il, avait fait de nombreuses additions à l'illustre race des Queens, et mon cousin Ulick était allé à Dublin, n'arrivant pas à grand-chose de bon, et ayant trouvé moyen de voir la fin du peu qu'il restait de valable sur la propriété que mon bon vieil oncle avait laissée. Je vis que je n'aurais pas une médiocre famille à pourvoir, et donc, pour terminer la soirée, Phil, Tim et moi, nous bûmes une bouteille du Skebeau dont le goût m'était resté en mémoire depuis 11 années, et nous ne nous séparâmes qu'avec les plus chauds témoignages d'amitié et lorsque le soleil avait déjà fait depuis quelque temps son apparition. Je suis extrêmement affable. C'est là un de mes signes caractéristiques. Je n'ai pas de faux orgueil, comme ont tant de gens de ma naissance, et à défaut de meilleure compagnie, je trinquerai avec un valet de charrue ou un simple soldat aussi volontiers qu'avec le premier noble du pays. Je retournai au village dans la matinée et visitai Barryville sous le prétexte d'acheter des drogues. Les clous auxquels je suspendais mon épée à poignée d'argent étaient encore à la muraille. Un vésicatoire était sur le rebord de la fenêtre où le whole duty of man, devoir complet de l'homme, de ma mère, avait jadis sa place. Et l'odieux MacCahan avait découvert qui j'étais. Mes compatriotes découvrent tout et bien d'autres choses encore. Et, riant sous cap, me demanda comment j'avais laissé le roi de Prusse et si mon ami l'empereur Joseph était aussi aimé que l'avait été l'impératrice Marie-Thérèse. Les sonneurs de cloches m'auraient salué d'un carillon, mais il n'y en avait qu'un, Tim, lequel était trop gras pour le faire. Et je partis à cheval avant que le vicaire, le docteur Voltaire, successeur du vieux monsieur Tester, qui avait le bénéfice de mon temps, n'eût pu sortir pour me complimenter. Mais les galopins de ce misérable village s'étaient formés en sale armée pour me faire accueil et saluèrent mon départ avec leur « Hourra pour Master Redmond !» Mes gens n'étaient pas médiocrement inquiets de moi lorsque je revins à Carlo, et l'aubergiste avait grand peur, dit-il, que les voleurs ne m'eussent pris. Là aussi, mon nom et ma condition avaient été trahis par mon domestique Fritz, qui n'avait pas épargné les louanges de son maître et avait inventé sur moi de magnifiques histoires. Il me représenta comme intime de la moitié des souverains de l'Europe et comme le favori de la plupart d'entre eux. Le fait est que j'avais rendu l'ordre de l'éperon de mon oncle héréditaire et voyagé sous le nom du chevalier Barry, chambellan du duc de Hohenzollern-Sigmaringen. Ils me donnèrent les meilleurs chevaux de leur écurie pour me transporter dans la direction de Dublin et les plus fortes cordes pour harnais. et nous marchâmes assez bien, et il n'y eut pas de rencontre entre les voleurs et les pistolets dont Fritz et moi étions pourvus. Nous couchâmes cette nuit-là à Kilcullen, et le lendemain, avec 4 chevaux à mon carrosse, 5 000 guinées dans ma bourse et une des plus brillantes réputations d'Europe, je fis mon entrée dans la ville de Dublin, dans cette ville que j'avais quittée petit mendiant à l'âge de 11 ans. Les habitants de Dublin ont un tout aussi louable désir de connaître les affaires de leurs voisins que les habitants de la campagne. Et il est impossible à un gentilhomme, quelque modeste que soient ses désirs, et il est notoire que les miens l'ont été toute ma vie, d'entrer dans cette capitale sans avoir son nom imprimé dans chaque endroit où il y a un journal et mentionné dans une foule de sociétés. Mon nom et mes titres coururent toute la ville le lendemain de mon arrivée. Un grand nombre de gens civils me firent l'honneur de se présenter à mon logement quand j'en eus fait choix, et c'était un soin d'une immédiate nécessité, car les hôtels de la ville n'étaient que des trous vulgaires qui ne pouvaient convenir à un gentilhomme aussi fort à la mode et aussi élégant que je l'étais. J'en avais été prévenu par des voyageurs sur le continent, et, ayant résolu d'arrêter tout de suite un logement, j'ordonnai au postillon de parcourir lentement les rues jusqu'à ce que j'eusse choisi un endroit convenable à mon rang. Cette combinaison et les questions maladroites de mon Allemand Fritz, qui était chargé de prendre des renseignements aux différentes maisons jusqu'à ce que nous fussions tombés sur un appartement convenable, attirèrent une foule immense autour de ma voiture. Et quand notre choix fut arrêté, vous auriez supposé que j'étais le nouveau général des troupes, tant était grande la multitude qui nous suivait. Je louai enfin un bel appartement dans Capel Street, payé au postillon en guenilles qui m'avait conduit un bon pourboire, et, m'installant dans mon logis avec mes bagages et Fritz, priai mon hôte de me trouver un second homme pour porter ma livrée, une couple de vigoureux porteurs de chaises bien famés avec leurs machines, et un cocher qui eut à me louer de beaux chevaux pour mon carrosse, ainsi que des chevaux de selle de bon service à vendre. Je lui donnai une forte somme d'avance, et je vous promets que l'effet de ma demande fut tel que le lendemain j'eus un véritable lever dans mon antichambre. C'était une procession de grooms, de valets et de maîtres d'hôtel. J'eus des offres de chevaux à vendre, de quoi monter un régiment, tant de la part des marchands que des gentilshommes du plus haut ton. Sir Lawler Gowler vint me proposer la jument baie la plus élégante qu'on eût jamais vue. Milord Dundoodle avait un attelage de 4 chevaux qui ne ferait pas honte à mon ami l'empereur, et le marquis de Belliraguette m'envoya son valet de chambre et ses compliments pour me dire que si je voulais aller à ses écuries ou lui faire l'honneur de déjeuner avec lui au préalable, il me montrerait les 2 plus beaux chevaux gris de l'Europe. Je me déterminai à accepter les invitations de Dundoodle et de Balliraguette, mais à acheter mes chevaux des marchands. C'est toujours la meilleure manière. D'ailleurs, à cette époque, en Irlande, si un gentilhomme garantissait son cheval et que le cheval ne fût pas sain ou qu'une dispute s'éleva, le remède que vous aviez était l'offre d'une balle dans votre veste. J'avais joué à ce jeu-là trop sérieusement pour le faire à la légère, et je puis dire à ma gloire que jamais je ne me suis engagé dans un duel à moins d'avoir une véritable, avantageuse et prudente raison de le faire. Cette gentilhommerie irlandaise était d'une simplicité qui m'amusait et me surprenait. S'ils vous débitent plus de comptes que leurs francs voisins de l'autre côté de l'eau, en revanche, ils en croient davantage. Et je me fis en une seule semaine une réputation à Dublin qu'il aurait fallu 10 ans et une mine d'or pour acquérir à Londres. J'avais gagné au jeu 500 000 livres sterling. J'étais le favori de l'impératrice Catherine de Russie, l'agent confidentiel de Frédéric de Prusse. C'était moi qui avais gagné la bataille de Horkirchen. J'étais cousin de Madame du Barry, la favorite du roi de France, et 1000 autres choses encore. Dans le fait, s'il faut dire la vérité, je touchais un mot d'une foule de ces histoires à mes amis Balliraguette et Gowler, et ils n'étaient pas lents à broder le thème que je leur avais fourni. Après avoir été témoin des splendeurs de la vie civilisée à l'étranger, la vue de Dublin en 1771, quand j'y revins, m'inspira tout autre chose que du respect. Elle était aussi sauvage que Varsovie elle-même, sans avoir la grandeur royale de cette dernière ville. Le peuple y avait l'air plus déguenillé qu'aucune autre race que j'ai jamais vue, excepté les hordes des bohémiens le long des bords du Danube. Il n'y avait pas, comme j'ai dit, une auberge dans la ville où put habiter un homme de condition. Les infortunés, qui n'avaient pas de voiture et qui allaient à pied la nuit dans les rues, couraient grand risque de recevoir des coups de couteau des femmes et des ruffians qui y étaient en embuscade, d'un tas de bandits en haillons qui ne savaient ce que c'était qu'un soulier et un rasoir. Et lorsqu'un gentilhomme entrait dans sa chaise ou son carrosse pour aller à une soirée ou au théâtre, les flambeaux des laquais éclairaient une foule d'étranges faces milésiennes, aux baragouins sauvages, capables d'effrayer une personne distinguée, dont les nerfs ne seraient que de force moyenne. J'étais, heureusement, doué de nerfs robustes, et puis j'avais déjà vu mes aimables compatriotes. Je sais que cette description irritera plusieurs patriotes irlandais qui n'aiment pas qu'on médise de la nudité de notre pays et sont fâchés si l'on dit toute la vérité sur son compte. Mais bah, c'était une pauvre ville de province que Dublin à l'époque dont je parle. Et bien des résidences allemandes du 10e ordre étaient plus distinguées. Il y avait alors, il est vrai, plus de 300 pairs qui y résidaient. Une chambre des communes, et Milord de Maire et sa corporation, et une tapageuse université dont les étudiants ne faisaient pas peu de désordre la nuit. Ils faisaient la fortune du violon, baignaient de force les boutiquiers et imprimeurs qui leur déplaisaient, et faisaient la loi au théâtre de Crow Street. Mais j'avais trop vu la première société de l'Europe pour être bien tenté de celle de ces bruyants messieurs, et j'avais trop en moi du gentilhomme pour me mêler aux disputes et à la politique de Milord de Maire et de ses aldermen. À la Chambre des communes, il y a quelques douzaines de gens fort agréables. Je n'ai jamais entendu, dans le Parlement anglais, de meilleurs discours que ceux de Flood et de Daly, de Galway. Dick Sheridan, quoiqu'il ne fût pas bien élevé, était un compagnon de table aussi amusant et aussi spirituel que j'en ai jamais rencontré. Et bien que, pendant les interminables discours de M. Edmund Burke dans la chambre anglaise, je m'endormisse toujours, cependant, je tiens de personnes bien informées que M. Burke était un homme de grands moyens, et même considéré comme éloquent dans ses moments d'inspiration. Je commençais bientôt à jouir dans toute leur étendue des plaisirs qu'offre ce misérable endroit, et qui était à la portée d'un gentilhomme, le ranelag et le rideau tôt, Monsieur Mossop dans Crow Street, les fêtes de Milord lieutenant où l'on buvait trop et où on jouait trop peu pour une personne de mes habitudes élégantes et raffinées. Le café de Daly et les maisons de la noblesse me furent bientôt ouverts et je remarquai avec étonnement dans la plus haute société ce que j'avais observé dans la plus basse lors de ma malheureuse première visite à Dublin, un manque extraordinaire d'argent et une quantité déraisonnable de billets sous seing privé contre lesquels je n'étais nullement disposé à risquer mes guinées. Les dames aussi avaient la rage du jeu, mais une répugnance excessive à payer quand elles perdaient. Ainsi, quand la vieille comtesse de Turpington perdit contre moi 10 pièces aux quadrilles, elle me donna, au lieu d'argent, une traite sur son agent de Galway que je mis avec beaucoup de politesse à la chandelle. Mais quand la comtesse me proposa une seconde partie, je répondis que, dès que les fonds de sa seigneurie seraient arrivés, je serais le plus disposé du monde à jouer contre elle, mais que jusque-là, j'étais son très humble serviteur. Et je maintins cette résolution et ce singulier caractère dans toute la société de Dublin, déclarant chez Daly que j'étais prêt à jouer contre n'importe qui, n'importe quoi, à n'importe quel jeu, ou à lutter à l'escrime, ou à courir contre tout homme, étant tenu compte du poids, ou à tirer au vol et au but. Et, dans ce dernier genre de talent, surtout si l'objet qui sert de but est en vie, les gentilshommes d'alors avaient une adresse commune. Comme de raison, je dépêchai à Castle Lindon un courrier de ma livrée avec une lettre particulière pour Hunt, lui demandant les plus grands détails sur la santé et l'état moral de la comtesse Lindon, et une touchante et éloquente lettre à sa seigneurie dans laquelle je l'invitais à se rappeler les anciens jours et que je liais avec un seul cheveu de la mèche que j'avais acheté à sa femme de chambre et où je lui disais que Sylvandre se souvenait de son serment et ne pourrait jamais oublier sa Caliste. La réponse que je reçus d'elle était excessivement peu satisfaisante et peu explicite. celle de M. Hunt, assez explicite mais aucunement agréable dans son contenu. Milord George Poynings, le fils cadet du marquis de Tiptoff, faisait une cour très marquée à la veuve, étant de ses parents, ayant été appelé en Irlande relativement au testament du défunt Sir Charles Lyndon. Or, il y avait à cette époque en Irlande une sorte de loi, grosso modo, qui était fort à la convenance des personnes désireuses d'une justice expéditive et dont les journaux du temps contiennent une centaine de preuves. Des gens prenant les surnoms de Capitaine Fireball, grenade, Lieutenant Buffcoat, habit de buffle, et enseigne Steel, acier, envoyaient fréquemment des lettres d'avertissement aux propriétaires et les assassinaient s'ils n'en étaient pas tenus compte. Le célèbre capitaine Thunder, Tonnerre, était la terreur des comtés du Sud, et son affaire était de marier les hommes qui n'avaient pas suffisamment le moyen de plaire aux parents des jeunes personnes, ou qui, peut-être, n'avaient pas le temps de faire une cour longue et compliquée. J'avais trouvé mon cousin Ulic à Dublin, devenu très gras et très pauvre, pourchassé par les juifs et les créanciers, habitant toutes sortes de coins étranges, d'où il sortait au tombé de la nuit pour se rendre au château ou aller faire sa partie de cartes à la taverne. Mais c'était toujours un courageux garçon, et je lui touchais un mot de l'état de mon cœur au sujet de Lady Lyndon. « La comtesse de Lyndon !» dit le pauvre Ulic. « Eh bien, voilà qui est merveilleux. J'ai moi-même été très tendre pour une jeune personne, une Killjoy de Ballyhack, qui a 10 000 livres sterling de fortune, et dont sa seigneurie est tutrice. Mais comment un pauvre diable tel que moi, sans un habit sur le dos, peut-il réussir auprès d'une héritière en pareille compagnie ? Je pourrais tout aussi bien aspirer à la comtesse elle-même. « Vous ferez mieux de vous abstenir, » dis-je en riant. « L'homme qui l'essayera court la chance de sortir du monde auparavant. » Et je lui expliquais mes propres intentions sur Lady Lyndon. Et l'honnête Ulic, dont la considération pour moi était prodigieuse depuis qu'il me voyait cette magnifique apparence et apprenait combien merveilleuses avaient été mes aventures et grande mon expérience de la vie fashionable, fut confondu d'admiration pour mon audace et mon énergie quand je lui confiai mon projet d'épouser la plus grande héritière d'Angleterre. Je dis à Ulic de sortir de la ville sous le prétexte qu'il voudrait, et de mettre à la poste, qui était près de Castle Lyndon, une lettre dont l'écriture fut par moi contrefaite, et dans laquelle j'avertissais solennellement Lord George Poynings de quitter le pays, disant que ce grand butin n'avait jamais été destiné à ses pareils, et qu'il y avait assez d'héritières en Angleterre sans venir les prendre sur les domaines du capitaine Fireball. La lettre était écrite sur un sale morceau de papier et de la plus mauvaise orthographe. Milord la reçut par la poste, et étant un jeune homme plein de cœur, il ne fit qu'en rire comme de raison. Son malheur voulut qu'il se montrât à Dublin, fort peu de temps après, qu'il fut présenté au chevalier Redmond Barry à la table du Lord Lieutenant, qu'il alla avec lui et plusieurs autres gentilshommes au club de Delhi, et que là, dans une discussion au sujet de la généalogie d'un cheval, où tout le monde dit que j'avais raison, on en vint aux gros mots, et le résultat fut une rencontre. Je n'avais pas eu d'affaire à Dublin depuis mon arrivée, et l'on était curieux de voir si je valais ma réputation. Je ne fais pas le fanfaron dans ces matières, mais je fais ce qu'il y a à faire quand le temps est venu. Et le pauvre Lord George, qui avait un joli poignet et l'œil prompt, mais avait appris à cette maladroite école anglaise, ne tint devant ma pointe que jusqu'à ce que j'eusse choisi où je le toucherais. Mon épée lui entra sous sa garde et lui sortit par le dos. Lorsqu'il tomba, il me tendit la main comme un bon garçon et me dit « Monsieur Barry, j'avais tort ». Je ne me sentis pas très à l'aise quand le pauvre diable fit cet aveu, car la dispute était de mon fait, et pour dire la vérité, je n'avais jamais eu l'intention qu'elle finît autrement que par une rencontre. Il garda le lit 4 mois des suites de sa blessure, et la même poste qui porta à Lady Lyndon la nouvelle du duel lui remit aussi un message du capitaine Firebrace, où il était dit « C'est le numéro 1 ».« C'est vous, Ulic, dis-je, qui serez le numéro 2 ?»« Ma foi, dit mon cousin, c'est assez d'un. » Mais j'avais mes projets sur lui, et j'étais déterminée tout à la fois à rendre service à cet honnête garçon et à mener à bien mes desseins sur la veuve.